doing here? Debo, Debo, what am I doing here? I ain't coming, I ain't going. My confusion is showing. Outside the midnight wind is blowing, Sixth Avenue. Myself blue as a day boy. I watch the taxis pull up and idle. I can't claim title to a single memory. Offered me a key, this opportunity don't knock. No tongue and she cannot talk. You're gonna shuffle when you walk at the devil. Bonjour Québec! Hein? Avez-vous déjà entendu ça? C'est toujours énorme, puis mégalomane, puis étrange, puis totalement inutile de dire lorsqu'on commence une émission de radio. Bonjour Québec! La ville s'en balance-tu, là? Elle s'en foutu passablement que tu lui dises salut, là. Ce qu'elle veut, là, c'est que l'économie fonctionne, que la culture fonctionne, que les gens gambadent heureux dans une ville qui éclabousse sa beauté. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas qu'on lui dise bonjour, Québec. Elle s'en fout éperdument. Mais Erance Renadine qui dit bonjour, Québec. Il a dit, attends, je fais-tu de l'effet à la ville, moi, là? Hey, c'est pas à peu près, là. Elle a dit pas, Elle fait, ouin. Gaétan, c'est comme ta copine. Ah, oh, pas Gaétan. Oui. Hey, Gaétan s'est marié avec Gaétan. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes ici, là, qui nous écoutent. Qui sont mariés. Ah, mon Dieu, quelle horreur. On essaie d'oublier, c'est pas cette émission-là. Oui, on va vous le répéter un peu, pas trop souvent, que vous êtes mariés. Pour le pire! Et où est le meilleur? Il est pas là, il sera jamais là. Tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir. Oh, mon Dieu! êtes-vous méchant? Le micro qui tombe, ça fait des bandés être marié. Le micro en témoigne. Visse-moi ça, ma Gaétane. Comment on vit ça? Attendez. On peut pas passer une chanson, hein, non? Il peut tomber en tout temps. Viagra, monsieur Québec, vous êtes là, Québec? Peux-tu, pouvez-vous? Doit-on tutoyer la ville? Bonne question. Mais là, là, je me demande, est-ce que ça va durer, ce petit micro-là? Un, deux, y a-t-il quelqu'un? Le pied, peut-être pas. Ça, c'est l'animateur, le pied. C'est gentil pour le pied. Mais, où je suis, moi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Bonjour, bienvenue à Errance Rénaldienne. Bonjour, Québec. Êtes-vous là? Ben oui, c'est ça. Hey, avant que tu tombes, toi, là, ben, que le micro tombe. Il y en a pris pour... Quand tu parles de mariage, là, ça fait des... Quand tu penses au mariage, tu ne bandes plus. La pendaison, papa, ça ne se commande pas. Ah ouais, micro! Reste... Toi, ta mission, c'est pas très compliqué pendant 120 minutes, là. Je te le dis, là, c'est simple. Quoique dans la simplicité, il y a une certaine complexité. Oh, c'est philosophique! Ouais. Ma te le dire, moi. Ben, dis-le-moi. Oui. Dis-le-moi. Accroche le poteau avec la babine, elle va retomber. Oh. Est-ce que c'est la babine qui va tomber ou le micro? Les gens ne savent pas, c'est de la technique. Ce qu'ils veulent, c'est de l'humour. Ouais, mais on n'est pas capable ce soir. Puis, c'est pas vraiment. On a mis. J'ai demandé à Mme Beaumont. Mme Beaumont, la coordinatrice de la programmation de CKRL, la directrice. qu'est-ce qu'il voulait dire? Mais la directrice, oui, ça c'est. On peut pas te l'enlever. Merci. Enlevez-moi plus rien. Regardez, je suis nu. Ben oui, mais là, Tania, rhabille-toi. C'est une fille de classe, Tania. Là. Elle aime pas les vagabonds. Je ne suis point un vagabond. Je suis un tout nu. Bon, je sais pas comment elle va accueillir ça. On va dire, va te rhabiller, mon blaireau. Alors, pourquoi on parlait de Mme Beaumont, là? Coulisse! Elle ne sait pas, elle non plus. On lui demande pas d'être là pour rien, elle, la Coulisse. Elle nous coulichera pas la... Hé, Coulisse! Oui, elle n'est pas là. Québec! Bon, hé, mon dieu, ça, c'est une oreille presque attentive, ça. Tout le monde lui dit, vers 3 heures du matin, en sortant de certains lieux publics pas trop fréquentables, nomme-en! Quoi-tu, je vais me mettre dans le trou, moi, là. Il y a assez que le crime préfabriqué me cherche et voudrait bien me serrer la pince puis que je parle d'eux à mes ondes radiophoniques, c'est CKRL-iennes. Oh, lesquelles? Arrête de demander des noms, toi, là. Cache-toi. Rendors-toi, là. Mets ta tête dans le micro-ondes. Oh, mon dieu, mets ça à 10-30 secondes. Oh, ça frise! Oui. Voilà pourquoi... Ne laisse pas passer... En parlant de Mme Beaumont, hein? C'est de la fuite. Il y a une fuite à CKRL, là. Une méchante fuite, là. Oh! Il y a le plombier, premier plombier. C'est qui? C'est réel. Oh, mon dieu. Ça bouchera pas grand-chose à part le créneau horaire minuit 2. Oh! Le vendredi. Oh! Avec une émission pseudo-humoristique. Oh! Prolétarienne. Prolétarienne? Non, c'est... je veux jamais mentionner prolétarienne, moi, là. Mais, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Par quoi? Par ta signification, la représentation de ton émission. Oh, mon dieu. Ça, là, ça remonte à très longtemps. Oh, mon dieu. Avant les pirates et les maboules. Oh. Avant que les boules deviennent pirates. Quoique, toutes les boules sont pirates. Ah, ben là. Faudrait pas s'étaler là-dessus. Étale-toi la boule! Ben, mon dieu. On voulait me faire un coco. À qui? Tu veux partir? Oui, j'ai de la difficulté à placer en première. Ah, t'as toujours été dernier? Oui, j'ai toujours été. Comment ça, vous savez ça, j'ai été dernier? Ben, c'est dans ton. Quand on voit sur Goggle. Oui. Oh, Goggle.fr. Oui. On rentre Rénal Gagné. Oui. Et on voit un désastre. Oh, mon dieu. tout le monde m'a renié. Oui. Mon poisson rouge m'a même renié. Oh! Il est devenu vert. Ah, c'est pas ton poisson extraterrestre? Ben oui. Faut que je vous raconte rapidement ce qui s'est passé. C'est que le 13 janvier 2012, j'étais sur ma galerie en train de prendre un bain de soleil devant un banc de neige qui m'étalait le froid dur et le visage, la chaleur intense du soleil qui ne couvre plus aucun feu violet. Ah, mon Dieu, c'est pas violet, c'est rouge. Un feu rouge? Ah! Tu t'es arrêté? Ben, j'ai bien vu que la police voulait m'appréhender. Oh! Me donner une contravention. Oui! Et je lui ai dit à la police, et puis c'était une policière, là. J'ai dit bonjour la policière. Elle a dit, ouais, votre nom? Oui, moi c'est tout le temps oui, moi policière, oui, c'est oui. Non. Oui! Oui, votre nom? Oui. Oui, non, moi c'est pas non, c'est oui. Non! Ce qu'on veut savoir, monsieur. Oui. C'est votre nom? Oui. Ah, mon Dieu, on a quelqu'un d'assez un patient et nous serons impatients. Alors, vous étiez en train de vous faire griller? Oui. Au soleil? Oui. Sur la neige? Ben oui, je vais vous expliquer pourquoi rapidement. On n'a pas le temps, monsieur. Là. S'il y a des appels urgents, là, un vol, par exemple, un vol à main désarmée. Ah, mon Dieu. Ou, je sais pas, un rabais dans un restaurant de mer rapide. Oui. Et c'est uniquement ouvert aux policiers. Ouvert aux policiers. Ben oui, il y a des restaurants qui laissent leur place uniquement aux policiers. Ben oui, ça doit pas... Non, ça n'a pas du tout. Alors, on voudrait savoir, monsieur, votre nom. Oui. Hey, monsieur, suivez-nous au poste de police. Ah, moi, je suis déjà au poste de CKRL. Oh, OK. Le poste de police, vous me dites que... Ah, je n'ai rien dit encore, moi, là. Oh, mon Dieu. Là, je crois que je suis dans le trouble. Dans un gros trouble. Un sable mouvant. Très, très mouvant. Presque, vous calez. Ah, encore une fois. C'est ce que ma directrice de la programmation m'a dit la première fois. Tu te cales. Puis? Ben, elle me regardait. Elle voulait me filmer. Vous calez? Ça aurait pu faire la une. La une de quoi? Ben, la une de tous les médias. Hey, quelqu'un qui sait qu'il va caler, là, puis qui dit à sa directrice de la programmation, « Filme-moi, Matania. » Oh, mon Dieu! Là, c'est certain que j'ai pas le cheveu vagant. Oh! Je n'ai pas la guitare joyeuse. Oh, mon Dieu! Et j'ai pas la lunette. Ne laisse pas passer! OK! Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien! Il se passe rien, madame la police. Vous voulez savoir? Non, là, j'ai fait l'ignorant pendant à peu près 5-6 minutes, là. Vous m'arrêtez ici? Pas vraiment. J'ai ma carte de membre de CKRL, moi, là. Je suis membre en règle. Regardez-moi ça. Oh, mon Dieu! Excusez-moi, la police, là. La policière, là. J'aimerais avoir un petit renseignement. Non, c'est moi qui pose la question. Ben, écoutez, là, c'est qui paye? Ben, c'est tout le monde. Ah, c'est ça. Ben, moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Oh, mon Dieu! Vous êtes soumise comme le bon pain? Ah, oh, j'adore ça. Oh, ben, on a trouvé la bonne police. Hein? Ah, non, on n'est pas en train de... Ah, les forces constables... On veut pas vous... Nous ne sommes que des innocents. On veut pas chercher, là. On va partir. Mais je voulais y poser une seule question. Merci, monsieur. Après, on va passer. C'est parfait. On n'a pas dit la... OK, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est pas... OK. Alors, la police, si moi, j'ai droit à une contravention, ben, si vous m'octroyez, si vous me donnez une punition qui est une contravention, à mon tour, si vous répondez non, est-ce que ça annule la mienne? Ah, j'ai rien compris. Êtes-vous... OK, je vais aller directement. Dirigez-vous directement. Je ferai pas comme la Mongole. La Mongole pas si fière, là, qui monte... Comment t'appelles ça, donc, un ballon à l'Imoilou? Non, c'est à l'hélium. Ben ouais, mais à l'hélium, c'est pas de tête. À l'Imoilou, c'est à l'hélium. Bon, OK. Dis pas des... Madame la police. Oui. OK, je suis pas un membre en règle, là. J'ai jamais été voté de ma vie. Je suis pas dans la liste électorale. Si vous tapez mon nom sur la liste, vous verrez. Vous verrez bien, mais vous, êtes-vous membre de CKRL? Pardon? Êtes-vous membre de CKRL? C'est qui? C'est qui? Non, c'est pas c'est qui, c'est CKRL. Vous êtes dans une station de radio, là. Vous voulez que je vous suive dans votre station, à vous, ma chère dame, une station qui va accueillir le pseudo-malfaiteur que je suis. « J'ai absolument rien fait, moi, madame. J'ai rien à me reprocher, moi, madame. S'il y a quelqu'un à se sentir un peu titillé par la morale, philosophiquement parlant, là, la morale, quelque chose de mauvais, là, le diablotin qui gravite autour de votre tête, c'est vous, madame, qui êtes l'accusé. C'est vous qui êtes pas membre de CKRL. » Mais je vous aime quand même. Et, hein, l'art de se faire des amis. Elle parle plus, là. Elle retourne dans sa... Oh, elle pleure. À la terre sage, soyons. espèce d'énergie, même si, à mon avis, c'est plus la même qu'il y a 10 ans. Pourquoi qui... Quelle énergie? Le fait qu'il y ait beaucoup de concentration comme ça de vie et de d'humains, de gens, fait trop que tu... Non, pas forcément trop. Justement, j'aime le espèce de la vivacité, ouais, cette espèce de truc dont je me nourris. Okay. Mais à côté de ça, l'idéal étant pour moi d'osciller entre ça et puis me retrouver au fin fond de la campagne, au fin fond de la Lozère, par exemple. Okay. Et voilà. Pour y créer. Dans l'idéal, ouais. Ce serait, je passe là, hop, allez hop, trois jours ouverts, trois jours, ouais, exactement. Ouais. Pour te ressourcer, pour pouvoir revenir ici avec des choses à dire. Ouais, pour plus entendre de bruit, silence c'est ça qui te trouve difficile. Le bruit, ouais, je trouve ça difficile. C'est vraiment un gros capharnaüm qui te ouais, qui peut parfois résonner, enfin, toi, ça peut un peu te rendre fou des fois. Okay. Alors, je suppose que c'est un peu pareil chez... Chez vous, dans certaines villes. C'est plus tranquille, Québec. La ville de Québec, c'est pour ça que... Québec, oui. On retrouve beaucoup de Français à Québec. Mm. Parce qu'on a une grande école de joaillerie. Donc, beaucoup d'étudiants viennent chez nous pour ça. Et une fois qu'ils sont chez nous, ils restent. Ils sont non plus. On est très tu as fait des tournées en Suisse, en Belgique? Non, c'est tout nouveau, mais c'est tout nouveau, exactement. Mais ton album est sorti il y a combien de temps? Il y a 3 semaines. Voilà, donc... Oui, c'est vraiment tout nouveau. Donc j'adorerais évidemment faire ça parce que non pas encore mais j'en cherche un activement. Donc mais c'est pareil pour tu vois par exemple le concert de vendredi, j'ai fait une captation vidéo et puis voilà pour expliquer un peu aux gens comment tu fais pour te développer, c'est qu'à partir de ça tu fais des montages, tu fais des DVD, t'en envoies, tu les mets sur YouTube. Donc je vais faire le montage parce qu'il se trouve que dans mes multiples vies antérieures, j'ai fait plein de trucs qui me permettent aujourd'hui de... Ok, t'as une formation en image Une formation autodidacte, je bidouille du montage, c'est moi qui ai fait mon site internet, c'est moi qui... Enfin, tu vois, j'essaye d'être au maximum indépendante, donc ça me fait un peu toucher à tout. Ta carrière dans son entité, autant les vidéos, autant... Exactement, mais ça me plaît en même temps, j'aime bien ce côté... Mais tu sais aussi où tu t'en vas, puis à qui tu t'adresses, et le public arrive directement à toi, et t'es pas perdu avec un attaché de presse. Exactement. Ça a ses avantages. Éventuellement, si ça explose, obligatoirement. Et par exemple, pour les scènes, toute seule, c'est difficile de gérer l'organisation, etc. Ah oui. C'est pas trop mon truc. En plus, l'administratif, je suis pas hyper forte. Donc l'idée là, ce serait effectivement de se trouver quelqu'un qui voit un peu le potentiel que ce spectacle peut avoir. Parce mais que... surtout que tu veux te concentrer uniquement sur un spectacle quand tu te lances là. Ouais, c'est ça. C'est pas évident de gérer les deux en même temps. Non. Tu stresses au niveau parce que là, la vidéo est pas arrivée, le technicien du machin. Et puis le son ne comprend pas, puis c'est. Ouais. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va et puis là tu dois te donner ta prestation. Exact. Et puis là la salle. Exact. Donc, du coup, tu perds du jus pour qui devrait te permettre d'être artistiquement. Je t'ai jamais vu sur ça. J'ai manqué ça. Oui. Mais lorsque tu te présentes, lorsque tu te produis, lorsque tu offres une chanson, est-ce que c'est un peu comme une chanson, une histoire, un film à la Juliette Gréco? Est-ce que tu englobes tes chansons comme si c'était un événement? Ou si au contraire, c'est une continuité un peu à la Yves Montand de plusieurs chansons, et pom, pom, pom, pom? Je crois que c'est quand même un peu plus une continuité, un univers qu'un conglomérat de choses indépendantes. Oui. Portera ou qu'on en retient. Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaît. Bonjour Québec! Hey, je récurgite mon 4 heures. Hey, c'est la faute à Burgess. Pas Reynald Burgess, non. Gaétan Burgess. Ah, mais pas le Gaétan. Oui, madame. Oui, monsieur. Madame. Là, les gens se demandent, qui avons-nous entendu? Quel oisillon sonore? Allô? Oui, non. Je tentais de reprendre le fil de liane en liane. Je la voyais là-bas. Qui ça, Oui, ma chérie. Oh, ma chérie, petite fille aux yeux bleus. Oh! C'est le succès. Monsieur le Président, on va commencer l'introduction. L'émission est débutée, puis il n'y a rien de fait. C'est vrai, vous avez raison. Rien de cartésien. Vous avez raison. On est dans un marasme complet. Vous avez raison. Je sais pas. On s'en va pas, là. On reste ici, devant le micro, comme un chien devant sa niche. Oh! Aimez-vous la similitude? Ah, mon Dieu. Je tiens à mentionner à Ticu Boudreau. Oui. Comment ça va, vous? Ça va très bien. Ticu Boudreau, reste pas devant le micro. Pourquoi? Parce que le micro... Oh, non, le micro ose. Non, c'est le micro ose. Non, d'accord. Monsieur le Président, on s'excuse infiniment auprès de madame... Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance rénalienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme, Reynald Lenéant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. C'est-tu assez du cartésien? Yes, c'est-tu assez cartésien, mon René? Oui, madame René! Salut, Québec! On vous aura en rencontre. On vous aura. Québec? On vous aura. Êtes-vous contente quand un jour nous vous prendrons? Nous vous prendrons. Parce que il y a une rencontre, la Ville de Québec et Errance rénaldienne, dans quelques minutes. C'est bien ça, l'attaché de presse de la Ville de Québec? La Ville? La... OK. Ah, on verra bien. Alors, attention, Facebook, on l'a dit, des fois, les gens savent très bien. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques moi-même. Bon. Si vous n'êtes pas un habitué, on s'excuse infiniment de vous avoir, comme ça, amené un chaos auditif. Quand les chaos nous parviennent aux oreilles. Nos tifs tombent à volonté. Les tifs tombent dans les grands charmes de l'oubli. Aujourd'hui, le vendredi 16 mars 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée. Est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé? Non, OK. Confions. On peut pas tenir ça sous silence. Il faut tenir. Régis, tiens-le sous silence. Tiens-le sous. Il est sous le silence, lui-là. Non, on veut qu'il devienne dans un mutisme complet. Ah, mon Dieu. Deux, trois petites tapes derrière l'incisive, là, tu vas voir. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés. Ça, c'est dans l'interne. C'est des blagues internes. Ah, mon Dieu. Laissons. OK, on va le laisser. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot, confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour. C'est celle-là que vous cherchiez, le nom de l'hirondelle qui nous parvenait jusqu'au tympan. C'est Chloé Lhomme. Chloé Lhomme, une inconnue des chansons. Hein, comment j'ai écrit ça, donc? Chloé Lhomme, une inconnue, des chansons, des productions, des textes, des idées et des projets dont vous ignorez l'existence. Et pourtant, vous êtes là, avec nous, à cet instant précis, et vous parcourez sa présence pour que les projets prennent corps, comme Chloé. Moi, je prends mes jambes à mon cou. Chloé, elle apprend encore. Pour que la musique, les mots, les idées résonnent, écoutez cet artiste sur errance rénaldienne à CKRL, car en juillet dernier, nous la rencontrions. Qu'est-ce que tu dis là? C'est un verbe, OK? C'est rencontrer. Oui, nous la rencontrions. Nous la rencontrions. Pour vous, excusez-moi, madame, oui, je lis, oui, et en même temps, je tente de comprendre. Ah, oh, mon Dieu! Et puis? Ah, ça fait un bouillon de culture, là. OK. Alors, pour vous, pour nous, pour vous, pour nous, pour nous, tout, pour nous, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Monsieur. Alors donc, pour que les... Oui, une douce... un voyage changé. Qu'est-ce que tu dis là? C'est parce que j'ai le ruban intellectuel, oui, qui est coincé dans le goudron. Et quand c'est coincé dans le goudron, c'est si bon. Oh! C'est si bon. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici? Oui, on s'arrête ici. Pour vous informer que vous êtes à CKRL, le 89.1 à Québec. Oh non, tu fais honte à ton peuple! Le jour se lève sur Ontario, il fait soleil, mais il fait pas beau. Il y a trois robinets sur le trottoir, le gros Michel est pas ouvert. Enfant de chienne, fils de trou de cul, toi qui as tout fait, toi qui as tout bu. Enfant de chienne, fils de trou de cul, on se verra de l'autre bord de la rue. Ça vaut toujours la peine de mourir, c'est déjà angoissant. Mais sur le trottoir, c'est déprimant. Quand le cœur te lâche, pour tes grosses pierres, pour plus qu'il te reste grand chose à faire. Enfant de chienne, fille de trou de cul, toi qui as tout fait, toi qui as tout cru. Chaque chanson raconte une histoire, mais je pense que c'est quand même plus la continuité qui, parce que tu sais que mon album s'appelle 40 degrés nord, donc oui. Et que donc c'est vraiment. Non, après ça, c'est vrai. Eh bien, justement, j'en parle à ce moment-là parce que c'est vraiment un fil conducteur, c'est une latitude en fait. Okay. Tu sais, quand tu ouvres un atlas, tu regardes où passe le 40e parallèle nord en Europe. Il passe au-dessus du Portugal, de l'Espagne, de la Méditerranée, de la Sardaigne, l'Italie, la Grèce, jusqu'en Turquie. Et jusqu'au Caucase. Et en fait, je me suis complètement inspirée de, musicalement de toutes les musiques de cette Europe du Sud. Ça va du fado portugais, en passant par le flamenco, la musique, un peu de musique orientale. C'est une musique d'été ? C'est une musique d'été, une musique du Sud, quoi, vraiment. On danse un peu ? Il y a quelques danses, deux ou trois, en sachant que c'est quand même, ça tire un peu plus vers la mélancolie, parce que c'est ça correspond un peu plus à mon tempérament. Okay. Je suis pas dépressive. Non, ça se voit pas, en tout cas, tu es lumineuse. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé 40 degrés nord. Et donc, forcément, sur scène, on retrouve ce fil conducteur quand même, okay, qui est très marqué. On ne peut pas dire que je passe d'un truc un peu rock à un truc funky, un truc... Alors, les lumières sont chaudes, les lumières sont excitantes, les lumières sont remplies de cette aura. Ouais, ça sent le sud. Ça transpire le sud. Mais les gens sont chauds. Ouais, et vraiment, c'est ce qui s'est passé là, le dernier concert, où vraiment les gens étaient... happé dans ce voyage. Je les ai vraiment fait voyager, je les ai bien embarqués. Est-ce que ça t'a surpris de voir cette attente, cette réceptivité-là du public, toi qui ne savais pas à quoi t'en tenir au départ? Tu ne savais pas du tout... J'avais beaucoup d'espoir. Oui, l'espoir amène le monde étant mieux. Oui, j'avais beaucoup d'espoir. Les gens ont été... C'est plus les gens qui ont été surpris que moi, d'une certaine manière. Oui, intrigués, oui, ils ne savaient pas tellement à quoi s'en tenir. Et au départ, ils étaient un petit peu, tu sais... La surprise. Oui, surpris. Et au fur et à mesure, enfin assez rapidement, les gens se sont détendus et ont accepté d'entrer dans le jeu. Et il y a eu beaucoup d'interactions. Les gens me souriaient, vraiment regardaient. C'était plus un spectacle qu'un concert. Est-ce que tu parles beaucoup dans tes spectacles, au contraire, tu enchaînes chanson sur chanson? J'essaye de parler pas trop, parce que je peux dire beaucoup de conneries, donc... à cause du mais en même temps... Oh non, pas du tout, parce que j'aime bien dire des conneries. J'aime beaucoup, je sais pas, j'ai dû avoir un côté un peu clown à la con. Non, j'aime bien faire des jeux de mots débiles, okay, faire des trucs. Mais parfois, c'est un peu étrange. Oui, je pourrais. Mmh. Ouais, mais j'aime bien improviser, okay, parce qu'après tout, tu sais, t'as des gens différents. Des fois, les gens attendent ça aussi. Une chanson triste, amener un peu plus de... Oui, mais justement, en fait, il y a des choses, des chansons qui sont tellement poignantes et qui peuvent être pas simples à assimiler. Ok, ouais. À recevoir. Que finalement, j'aime bien derrière détendre un peu le truc en disant je prends au sérieux vraiment ce que je fais, mes chansons, ma musique. Mais par contre, moi, je me prends pas au sérieux. Je voudrais pas tomber dans le pathos, espèce de truc. J'aurais pu vendre des cordes aussi à la sortie du concert avec mes albums. Un petit kit de tout l'histoire. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc, ouais. Alors, sur scène, ce que tu aimes proposer, c'est ça, c'est un environnement, c'est un style, c'est une musique, c'est la chaleur. Ouais. En hiver, au Québec, ça fonctionne bien, il y a fait un spectacle comme mais ça. Moi, mais il faut que je vienne, en plus, j'ai deux, trois amis qui me disent, il paraît qu'il y a des vrais amateurs de chansons francophones, francophones et chansons françaises. Oh, oui. We'll be right back. danse quand tu cries vite n'a jamais fini. T'entends fut toaster au milieu de la nuit. Où je t'aime, où je t'aime, où je t'aime chérie. Je t'aime à l'hostie, je t'aime à la folie. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oui, mais chérie, tu fous mieux quand t'es stone. Chérie, tu fous mieux quand t'es stone. C'était à la guitare, Schumann. Merci, oui. À la voix lactée, stress pas, reste calme, calme-toi. OK, tranquille, oui. Et c'était aussi au ukulélé, Mozart. Là, ici, maintenant, oui, Mozart joue du ukulélé. Saviez-vous, madame? Mais c'est du nouveau, ça, là. C'est pas le clavecin? Saint-Simonac, c'est incroyable. Oui, on apprend des choses à l'errance canadienne. Ben, je crois que c'est de l'inventivité. Attendez, là. Là, vous dites que je viens ici, maintenant, en direct, de compter un mensonge. Non, non, dans qui? D'enjoliver l'existence. D'enjoliver l'existence. Oui, je le crois. Bon. Je suis... Vous êtes? Oui, je suis. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bord. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Je me demandais où déposer des feuilles. Sur la table. Mets ça ici, sur la table. Mais qu'a passé. Et le temps nous couvrira. C'est bien, oui. N'oublie pas que ce sont les cours d'eau qui enlèvent le cœur des ruisseaux. Si les ruisseaux savent tomber la mer. Savez-vous que pendant ce temps-là, je choisis une chanson. C'est déroutant, une chanson. Surtout quand je la chante. Chante la vie, chante. C'est un jukebox. Jukebox. Arrête, c'est malade. T'entends? Je suis malade. Donc, on ne la fait pas. Ça s'enchaîne. Oui, mais là, je déplie. Qui l'a fait pour la dernière fois? Vous savez que c'est des phrases qui peuvent revenir. Hein? C'est comme un boomerang. Non, c'est un boomerang? Non, c'est un sarcophage. Le sarcophage revient. Bon. Quoi que nous n'avons eu... Oui, allez-y. Nous n'avons qu'une seule mort. Oui. Et plusieurs sarcophages. Alors, la première phase, c'est « Je sortais d'une période de biture qui m'avait... » Ah, je l'ai fait récemment, celui-là. Ah, mon Dieu, on va passer à un autre appel, ma Germaine. OK, on a le droit. Ben oui, on s'offre les droits ici. Les droits d'auteur, oui, oui. Alors, on déplie toujours. Comment ça, j'amène ça dans... C'est long, c'est pénible pour le public. Oh, Vicky était une fille. Oh, j'aime ça, moi. Vicky, là. Vicky, on l'appelait Vicky, c'était ma seule amie. Vicky était une fille correcte, très correcte. Même la semaine dernière, lors de son appel, je n'ai à peine raccroché. Je l'ai placé dans ta... Il faudrait que tu lises le texte avant de décoller. Oh, OK, je pensais qu'il fallait décoller en tout temps. Bon, on peut faire comme tu veux, là. Vicky était une fille correcte. Déjà là, je suis prêt là, à me lancer pendant 15 minutes d'impro. Là. Ça m'excite le tympan puis le cortex cérénal. Excusez. Crache pas dans le micro. Enfin, excusez-moi, public en délire. Je n'ai point placé les postillons vers vos oreilles. N'ayez crainte. On ne peut pas couper au montage. On peut pas couper au... Germaine ne veut même pas se donner la complexité de cloisonner tout ce qui n'est pas audible pour un public qui mérite la meilleure des auditions. Amen. Ainsi soit-il maintenant et toujours. Hein. Allez, lis-le ton texte, OK. Vicky était une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui. Mes problèmes, c'était Vicky. Oui. Et le problème de Vicky, c'était moi. Oh! deux problèmes, deux schlinga pochling, donc deux. Non, des schlinga pochling. Qu'est-ce que c'est qu'un schlinga pochling? Si vous n'êtes pas initié, là, vous allez chercher en pirouette. C'est introuvable. Introuvable dans aucun livre de serveur, de barman, de chanteur sur mesure. Ben voyons donc, schling capo schling. Non, mais est-ce que ça te rappelle? Schling capo schling, schling capo schling. Non, c'est pas ça du tout. Mais Vicky me demandait récemment, avant même que je m'étale que j'étale sur le papier blanc de notre existence noirâtre, ces quelques lignes. Non, elle me disait, il me semble qu'on est incompatibles, mon Charles. Moi, je l'ai regardé, les yeux dans les yeux, la bouche dans la bouche, la langue dans la langue, en lui marmonnant. Tiens donc, pourquoi le micro veut pas? Parce que t'as pas de budget pour mettre du diachylon. Si tu places du diachylon, il bougera pas ton micro. Ben voyons. Salut Québec! Ouais. Québec, on aimerait te parler pendant quelques secondes. Ouais. Tu peux-tu rester? Ouais. On va te placer en avant de nous. OK. T'es sur la peux-tu rester sur la première ligne? Ouais. Bon. Elle aime ça rester sur la première ligne. Elle sait pas qu'est-ce que ça veut dire, mais elle reste sur la première ligne. Le tramway va passer dessus. Heureusement qu'il n'y a pas. Est-ce qu'il y a un tramway à Québec? Ouais. Oh. Hein? On sent là-dessus là, une ambivalence. Elle sait pas si ça va dire oui, ça va dire non. C'est une coquine. Vous êtes coquine à Québec? Ouais. Oh, la belle coquine. Vous avez une belle robe fleurie, vous. Ouais. Heureusement que c'est l'hiver, parce que les abeilles graviteraient autour de vous. Ouais. Puis vos cheveux sentent le parfum des îles. Ouais. Des îles d'Orléans, là. Des îles... Ouais. OK. Non, mais quand tu connais le discours, c'est facile, là. Vous pourriez vous présenter dans un parti politique, vous? Ouais. Les gens... Vous êtes aussi constante qu'une certaine politicienne qui s'était présentée pour un parti très, très, très québécois. Ouais. Ben oui, vous l'aimiez, vous, hein? Ouais. Vous aimez tout le monde, vous. Ouais. Non, il y a une petite ambivalence dans le... Pourquoi il y a le délai? Ben, c'est Ticu Baudouin, il a mal au pouce, puis... Ben, il doit pisser sa pitoune du pouce pour faire « ouin ». Ben, voyons donc, elle est pas capable de dire « ouin » tout seul. Ben, c'est prédigéré. « Ouin ». Oh. Là, tu viens divulguer une affaire que le public devrait pas savoir. Quand tu regardes... Attends un peu, toi. Reste ici! Ben, tu peux pas bouger trop, là. Quand tu regardes un film, là... Quand tu regardes un film, premièrement, tu sais pas les effets spéciaux. Tu connais pas les effets spéciaux. Tu sais même pas si c'est du réalisme ou si c'est un montage iconique. Hein? Premièrement. Deuxièmement, là, quand il y a un effet spécial, là, tu le sauras pas, on te le dira pas, sauf si tu vas pas voir dans les bonus puis qu'on te dit « Ici, l'effet spécial, on va vous montrer comment ça s'est fait. L'animal n'était pas mort. L'animal n'était pas présent. Ce n'était pas un animal. C'était une marionnette en forme d'animal avec du poil de presque vrai animal. Un poil rénaldien très, très, très raide et surtout très intéressant. Et mon Dieu, c'est le moteur. Oui, on est en première. Deuxième, troisième, quatrième. Ma tondeuse se rend jusqu'à 6, madame. Mais je me dis, si je mets trop d'huile là-dedans, qu'est-ce qui va arriver? Elle va me glisser des mains. Puis ça, si elle me glisse des mains, là, je me demandais si tu es féminin, masculin, pluriel, singulier, interrogatif, négatif, positif, Roger. Roger? Skinny Poppies! Le titre, c'était « Trois poulets ». Arrête de parler. Les deux poulettes. Excusez-moi, parce que je ne sais pas ce que je fais. Voici Skinny. We'll be right back. Where are the money? Got nothing. Where are the money? They got nothing. J'adorerais bien sûr leur faire découvrir ce projet, surtout qu'il paraît que c'est vraiment un public attentif et oui, mélomane. Oui, ah oui, oui. Donc, ils sont respectueux. Ouais, ouais. Ouais, il y a une vraie différence d'état d'esprit, tu sais, avec. J'adore mon pays, je suis très fière d'être française. Mais il y a un public. Mais sur aussi. Certains trucs, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est bien sûr que si tu fais un spectacle plein air, entremêlé de plusieurs groupes ou chanteurs, chanteuses, tu risques peut-être de mal passer ou de bien passer. Ça dépend. Si t'es dans un concert rock et tu viens... Ah bah bien sûr, c'est pour ça qu'il faut choisir un peu les endroits où on se produit. Parce que... Toi, t'es mieux peut-être dans les bars, dans les salles un peu plus... Les bars, pas trop, parce que ça demande beaucoup d'attention. Okay, ouais. Mais plus peut-être cabaret, théâtre, enfin tu vois, des choses un peu très intimes, où les gens sont... Il y a beaucoup de proximité, ils sont très feutrés. Ouais, avec le style en rentre. Que là, tu entres dans un casino, dans un endroit. Tu rentres dans un univers et puis voilà, tu passes un moment, tu voyages et puis tu sais qu'il y a un décorum à suivre, donc tu t'attends de voir une chanteuse qui en a un à te proposer, un décorum. Ouais, ouais, ça serait un peu ça. J'ai 10 questions à te poser. Oui. Est-ce que tu les as entendues tout à l'heure? Non, j'entendais rien avec les camions. Ah oui, okay. Alors, j'ai 10 questions que je pose à tout le monde. Donc, d'accord. Il y a 11e. Moi, je sens qu'il y a des questions pièges. Non, je sens que tu veux me piéger. Mais soit tu réfléchis ou que tu y vas rapidement dans l'impro. Tu y vas comme tu sens. Okay? D'accord. Okay. Et la dernière, c'est un flop monumental parce que c'est une question 2011, donc il y en a 11 au lieu de 10. Ça n'a jamais bien fonctionné et on verra. Okay. C'est pour ça que le mec a été prendre de... D'accord. Ça, ah, il a fait de la diversion. Et ça, c'est la 11e. Non, pas du tout. C'était sa façon de s'exprimer sur la 11e. D'accord. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Du vin. Le vin, quelle couleur? Du vin rouge. Pourquoi? Parce que j'adore le vin rouge, parce que j'aurais adoré être spécialiste. Ah oui, okay. Ah ouais, je trouve ça fantastique. De richesse comme ouais, discours, comme produit, comme ça me fait rêver. Et j'adore les gens qui parlent du vin. Tu sais, les connaisseurs, tu vois leurs yeux briller. Et moi, je reste Bouche bée de savoir-faire. Et, exactement. Et regarder, sentir. Ouais. Et, nous, on a l'air Bah nous on est là, on a la difficulté à dire oui, ça sent le boisé. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Si tu étais une ville. Une ville. Une ville, là c'est plus dur. Visiter ou non visiter, hein. Tu vas bien? Ouais. Oh, j'en serais plusieurs. C'est très compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'ai beaucoup bougé. Ok. Beaucoup bougé de ville, justement. Ah oui. Je suis partie de chez moi, je devais avoir 18 ans. Okay. Je suis partie à Toulouse, à Lyon, à Cannes, au Maroc, à Marrakech, à Casablanca, à Agadir, et plus plein de vacances partout à l'étranger. Et du coup, j'ai... Comme c'est des endroits assez disparates. Oui, oh, bah, j'ai des Hawaï, trucs... Mais t'as bien le soleil, toi? Ah oui, j'adore le soleil. Oui, quelle fille aime pas le soleil. Hein. Ouais. Mais du coup, ma ville idéale, ce serait t'as visité ou pas, plein... Ben, ce serait un petit morceau de plein de villes et je te ferai un petit patchwork je te dirai, je vais un petit peu de Marrakech dès que j'y vais, un peu de ça, et je te dirai ça. C'est la ville que j'aimerais être. Alors, je sais pas comment l'appeler. Il faudrait que je prenne une lettre Chloé. De chaque ville. La ville de Chloé. Ouais, et encore, ça fait un peu genre... ça fait un peu... Quoi, un peu trop égocentrique. Ah ouais. Faudrait que j'invente une ville. Je te dirai le mot la prochaine parfait. Fois que je viens chez vous. Autonome. Et je trouverai un... Ouais, parfait. Exactement. cherche un blues dans la rue des Lombards. Peut-être un ami accroché au bar, qui lui aussi a une poussière dans l'œil. Au bout du bar, il y a toujours un grand pianiste blême, qui ne sait chanter que ces trois mots, je t'aime. On peut danser quand on est bien, allez bien, bien, bien. Forcené qui tous les soirs jusqu'au bout de la nuit garde l'espoir, l'espoir d'une autre vie, un grand amour, un moment de folie. Au forcené, tu tends les mains mais personne ne les prend, et tu t'en tires toujours en ricanant. Savoir pourquoi toutes les nuits j'attends un jour de plus, des lieux communs qu'on échange et qui tuent. Encore un verre, j'entends la mer. Je sais qu'elle m'attend, elle ne dort pas dans son grand lit glacé. Je sais très bien qu'il vaudrait mieux rentrer. Encore une heure, on sait jamais. Le jour se lève et t'y peux rien. Le jour se lève et c'est demain. You ain't nothing but a hound dog, a crying. hate to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance canadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Ma vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. Atelier d'improvisation. Cette semaine, monsieur, je me suis réveillé, là. Vous étiez en train de... J'étais comateux. Comateux dans le... dans le vaporeux. Oui. Et plus j'étais monté, ouais, moi, je voulais descendre. Ah, on a... Madame... Monsieur. Monsieur, on appelle ça une lévitation. Une lévitation? Lévis. Lévis, c'est loin de Québec, ça, là. Si tu prends pas le pont de Lévis, faut que tu nages, là. De Québec à Lévis, c'est difficile. Oui, c'est dur, hein? C'est... Elle est en train de vous noyer. Cette semaine, elle se noie. Ah, mon dos. Une bombarde à la mer. Une bombarde à la mer. Cette semaine, et ça, jusque... On n'a plus les bombardes qu'on avait, Mme Thibodeau. Non, je ne fais pas d'attaque sur le physique. Vous êtes une douce et allumée créature que je ne sais pas qui vous a mis ici sur notre route, mais si vous vous trouvez devant nous, c'est parce que vous avez quelque chose d'assez exceptionnel. On ne garde pas les bidouches, les ninouches, les titouches, les milouches, les culouches, les bidouches, les oui, les oui. Ah oui, t'es bidouches, les ninouches, les ninouches, les ninouches, les bidouches. On les envoie à bâbord, à tribord, puis à... À qui? Ah, oui, cette semaine, et ça, nous mangerons, squeezerons, éplucherons des habillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue. On sait pas ce qui va se passer, mais non. Qui dit savoir dit préméditer. qui dit préméditer dit se préparer à. Et ici, est-ce qu'on se prépare à? À mars. C'est quoi à mars? Là? Les gens n'ont pas compris. Ben oui, mais le mot, là, aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Le veau, c'est... Le veau, est-ce que le veau a bêlé? Non, c'est la brebis. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on fait avec? On tricote. Ben, est-ce que, premièrement, la brebis n'a pas de laine? La brebis n'a pas de laine? Je sais pas, moi. Une brebis, ça a du poil? Un poil laineux, voilà. On vient de trouver que la brebis avait un poil laineux, donc mais là, le mot pour le château symbolique de la francophonie, c'est pas poil laineux, parce que c'est pas un mot, c'est une phrase, c'est une idée, c'est une consonance, mais c'est Mars. Mars, le mois de Mars, oui, ou la planète Mars, mais c'est Mars. Merci beaucoup. On va trouver... Oh, c'est bon, ça! Est-ce que je peux prendre ça en note? Ça a déjà été dit. Tout le monde dit ça, là, en fin de soirée, là, lorsqu'ils se sont retrouvés cœur à cœur, mot à mot, poitrine à poitrine, cuisse à cuisse. Il faut que ça cuise. Il faut que ça cuise. Moi, là, une cuisse qui n'est pas cuite, là, c'est dur sous la dent. Il faut que ça fonde comme du beurre, là. Puis le truc, là, pour que la cuisse fonde comme du beurre, ben c'est d'en mettre. Quoi, des cuisses? Non, du beurre. Oh, mon Dieu. On dévoile. Arrêtez de vous dévoiler, ça devient impudique. Bon. On a la cuisse impudique, nous. Est-ce que c'est mieux de le mettre dans le micro-ondes? Là, on ne sait pas, avec les ondes, là. Si tu mets Mars dans un micro-ondes, ça risque de monter vers Saturne. Et si ça se glisse dans l'anneau, ça n'arrête plus, ça, là. Mars sur Saturne, l'anneau. Oh, monsieur! C'est quoi? C'est comment t'appelles ça? Quelqu'un qui est... Non, c'est pas quelqu'un, c'est... Inconscient! C'est inconscient. J'ai dit un mot inconscient. Monsieur le juge, je ne suis qu'un inconscient. Je demanderai à Sylvain... arrête de le nommer, il ne veut plus rien savoir. Mais comment ça? Parce que c'est une émission qui le met sur une position un peu fâcheuse. Très fâcheuse. Très fâcheuse. Il a le pied sur Saturne. Il a le bras sur Jupiter. Il a l'autre pied sur le Soleil et ça brûle. Il me l'a dit, ça lui chauffe pas le pantalon, mais la semelle. Il a la semelle brûlée, lui, là. Ah, mon Dieu. Il peut même plus se supporter lui-même. Quand il rit, aïe-donc, il est dans le mode aïe-donc. Ah. Puis là, mais Mars, ce qu'on voudrait que... On voudrait que Mars soit habitable. Ben, moi, je trouve que c'est un mois très habitable. Là. On sent le printemps se poindre. Hein? On sent la cuisse se révéler avec ou sans beurre, comprends-tu, toi, là? Avec ou sans poil, comprends-tu, toi, là? Hein? On comprend rien. Oh, c'est le mois de mars, l'automne, non, printemps. Là, printemps au mois de mars, toi. Toi, t'as l'automne au mois de mars. Moi, j'ai rien. Je ne suis qu'un rien, un rien tout nu. Un rien tout nu. On va te laisser tout nu. Merci, je préfère ça. Depuis coquin dans le monde entier, ils ont la lurette. Les médecins veulent se planter, ils ont la lurette. C'est eux qui seraient plus forts pour faire ressusciter les morts. Ils ont la lurette. Ils ont commencé par les animaux, ils ont la lurette. Mais ce qu'il y aurait de plus beau, ils ont la lurette. Ça serait pas une petite affaire de faire ressusciter belle-mère. Lurette. Des morceaux de singes, ils se font griffer, hi-ha la lurette, pour faire rajeunir leurs idées, hi-ha la lurette. On serait pas étonné d'aller poteau les voir grimper, hi-ha la lurette. À l'hôpital il est allé, ihola lurette. Il a fallu l'opérer, ihola lurette. Ils l'ont couché sur un bouillon, ils l'ont coupé comme un morceau de l'or. Iholi, ihola, ihola, ihola, ihola lurette. L'opération avait eu lieu, ihola lurette. Ils l'ont cousu comme un sillet de bœuf, ihola lurette. Et quand il s'est réveillé, il a été désappointé. Ihola, ihola, ihola, ihola lurette. Il pensait qu'il était guéri, ihola lurette. Chez lui, il est reparti, ihola lurette. Et voilà qu'après un mois, ça le piquait dans l'estomac. Ihola, ihola, ihola, ihola lurette. À l'hôpital, il est tourné, ihola lurette. Au rayon X, ils l'ont passé, ihola lurette. Ils l'ont trouvé mal à manger, il y avait le zipper de rinché. Ihola, ihola, ihola, ihola lurette. Si tu étais une langue... Il y a deux façons de voir ça. Hein. Oui, il y a deux façons de voir ça. Pour la langue, on va dire le langage. Bah, je dirais la musique. La langue musicale. Ouais, je pense que c'est ce qui me fait vibrer le plus, c'est ce qui est le plus instantané, ce qui signifie le plus de choses naturellement à tous les de la terre quoi. Enfin, c'est un peu comme ça que je le dirais. Une musique, t'as pas besoin d'avoir de savoir parler une langue, de machin, de trucs. Tout le monde se retrouve autour de ça. C'est tout le monde international, une forme de... c'est mondial. Ouais. Ça rejoint tout le monde. Ouais, je dirais ça. Et bon, peut-être c'est un peu... que ça évite les guerres, ça peut-être ça calme les esprits. La musique. Et puis même au fond de l'Amazonie ou je sais pas quoi, il y a toujours un petit truc musical. Il y a toujours un mec qui. Et ça, je trouve ça génial. C'est la musique, vraiment c'est un langage universel. Ouais, après. Ouais. Si tu étais une époque. Je reviens, je vais faire une photo avec Chocho. Si j'étais une époque, celle que je suis en train de vivre. 2011. Ouais. 2011 parce que je. Avec tout ce qui est de bon. Tout ce que je peux penser de négatif sur cette époque, je crois que je voudrais être celle-là parce que c'est la seule sur laquelle je puisse agir. La seule finalement qui fait ce que je suis aussi et la seule qui compte parce que je veux pas être tournée vers le passé ou me dire bah tiens une époque je voudrais être dans 20 ans pour voir ce que ça fait. Dans 20 ans c'est aussi ce que moi j'en aurais fait. Ouais. Donc je dirais être ici pour rechanger le futur. Ouais. Et savoir ce qui s'est passé avant pour pas recréer la même merde éventuellement. Ouais. Si tu étais un mot. Un mot? Oui. Si j'étais un mot. Facile ça. Oh, si j'étais un mot. Il y a pas mal de gens qui doivent coller sur ce. Non. Ben oui, oui. Ben, le reste est à. Non, je veux dire les endroits où les gens accrochent. Mais les mots, ouais, mots aussi, oui. Ouais, c'est tellement disparate. C'est... Mais j'ai une difficulté énorme à choisir. J'ai tellement envie de dire plein de trucs et de prendre plein de trucs que c'est très compliqué pour moi comme exercice. Mais très bon exercice, hein. Oui, oui, ben oui. Super ben oui. Bon exercice. Je dirais la mer. La mer. Ouais. M-E-R, pas M-E-R-E. M-E, M-E-R, ouais, M-E-R. Si tu étais un aliment. Si j'étais un aliment... Le sel. Le sel? Ouais. Comme la mer. Ah bah oui, tu vois, j'avais pas fait le... J'avais pas fait le rapprochement. Si, bah ouais, ça. Si tu étais une saison. Une saison, sans aucun doute l'été. Ah oui. Ouais. Là, pour le coup... Pourquoi? Bah, on sait un peu, mais pourquoi? Parce que je suis fan de canicule. Ah oui, de l'année dernière. Là, puis mais j'adore la chaleur, j'adore quand j'ai une espèce de truc plombant, mais oui, mais vraiment. Pourquoi? Un truc, parce que ça rentre dans la peau, ouais. ça te compresse, oui, comme ça. Ouais. Et c'est un rapport. Non. Mais non, je me sens jamais aussi bien que ça. J'ai extrêmement de mal avec le froid. Alors, pas bienvenue à Québec. Mais oui. Mitouflé, le visage. Exactement. Et je dirais, ça va, j'ai pas froid. Mon vieux est jaloux, ah oui, je le sais bien. Il dit que je m'occupe du goût du voisin. Mais tu sais bien, mon vieux, oh, que je tente pas dessus. Il y a les rhumatismes, il est tout tordu. Je suis pas comme Eve, aller chez le voisin, manger une pomme qui est dans le jardin. On me dit que je suis belle, qui a ses pommes à wear. Les jeunes comme les vieux, je vous dis qu'ils sont vimeux. Par un beau matin, mais qu'est-ce qui rentre soudain? C'était mon laitier avec un galon de lait. Quand il a vu mon mari, il est venu tout étourdi. Il a eu tellement peur que son lait virait en beurre. Le boulanger avec son habit en baiser. J'ôte mon tablier et je commence à me friser. S'il sentait pas les oignons, je lui ferai une belle façon. Mon mari, elle est si fière, je vous dis qu'il sent de loin. Voulez-vous que je vous dise quel est mon seul agrément? Le jour quand je suis seule, c'est de prendre mon instrument. On dit que les femmes ont des caprices et des défauts qui louchent. Moi, le soir, quand je me couche, c'est de jouer de la bombe barlouche. Femme de renom et je compose mes chansons. Veuillez m'excuser car c'est pour nous amuser. Mais vous savez dans le fond, mon mari c'est un bon garçon. Et moi de mon côté, on n'a rien à m'approcher. Votre mal en route, Rénal Gagné, s'anime sur Errance Rénaldienne, à CKRL 89.1 à Québec. pris la vie comme tu t'endors, tout doucement, sans faire de bruit. Loin de tous les cadors, de leurs tourments, de leur folie. T'écris ton nom comme une histoire, si ordinaire qu'elle fait envie. Sans obsession ni désespoir, sans tous mes rêves inassouvis. Et t'écris ton môme comme tu l'attends, tout doucement, sans faire de bruit. T'as pas besoin, toi, du décor, tes sentiments, tu les enfouis. Et t'écris l'amour comme tes envies. Au fond du cœur, le devoir saigne. Mais comme tu dis, c'est ça la vie, ton point d'honneur. Et t'écris ton âme sans y penser. De la matière, t'es l'habitant. Je peux la lire, te retracer. Dans la terre, les pierres et le temps. T'écris ton âme sans y penser. De la matière, t'es l'habitant. Je peux la lire, te retracer dans la terre. Les pierres et le temps. T'écris tes larmes comme la pluie. Seul le ciel peut décider qui. Mais dans tes yeux mouillés se poursuit la vie de ceux qui t'ont trahi. Et t'écris la mort comme tu souris. Les chérictus au coin des lèvres. Quand le temps chasse les insoumis, la courte astuce d'une petite fièvre. Moi j'écris ton sort comme on t'oublie, avec mes mots, mon ignorance. Un signe de l'ordre établi, je chante très haut ton élégance. Moi j'écris ton sort comme on t'oublie. Avec mes airs, mon ignorance. Et un signe de toi suffit à faire taire mon arrogance. Et t'écris ton âme sans y penser. De la matière, t'es l'habitant. Je peux la lire, te retracer. C'est marrant, parce que de temps en temps, il y a des expressions qui sont... Il faudra que tu m'apprennes d'ailleurs l'accent québécois. Ah, il n'y a pas d'accent. Ah bah zut, alors c'est dommage. Il n'y a pas d'accent. Les mains. Les mains? Oui. À toi aussi? Ah oui. OK. Ouais. Si tu étais un moment de la journée? Le matin. Pourquoi? Parce que, me concernant, oui, c'est là où je... où j'ai le plus d'énergie, j'ai là où j'ai la vision la plus claire pour me dire voilà ce que tu as envie de faire de ta vie, voilà tout ce qui te reste à faire pour tes projets, avance, voilà machin, etc. Et c'est là où je me sens efficace, motivée et où j'y vais, quoi. C'est le matin où il faut y aller. Ah, qui était fonctionnel le matin, ouais. Au lever. Ouais. Alors tu te couches tard pour tes spectacles et tu te lèves tôt. Je suis pas une couche tard. Pour mes spectacles, normalement. Fini. Bien sûr, mais après, je m'adapte. Mais fondamentalement, j'aime travailler et je suis plus efficace pendant la journée. Le matin. Oui. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu. Oui. Ben, si, là, c'est moi qui te parle, là, tout de suite, là, maintenant. Si j'étais un autre individu, ben, je serais Chloé, qui ne te parle pas en tant que chanteuse. Mais Chloé, tu vois, si on se déplaçait, là, sur la table d'à côté, oui, et on se disait, bah, viens, on se prend une petite bière, puis on discute, mais on ne discute pas de la chanteuse ou de machin, etc. Bah voilà, j'aimerais bien être sa fille. Ça tombe bien. Ok, c'est en fait la fille de tous les jours, la Chloé de tous les ouais. jours. Puis j'ai un côté un petit peu... On a tous une tendance un peu schizophrène. Hein. Non. Malgré tout, moi je le sens particulièrement. Et j'aime bien les deux. Okay. Je me dis... voilà, les c'est multiples cool. personnages qui composent. Ouais. Ok. Et la question 11... Si, c'est la dernière question, donc tu fais j'ai ce que peur. Tu veux. Ah oui, j'ai peur. Non, tu fais ce que tu veux. Je vais lire intégralement. Non, je vais modifier. Quelle folie voudrais-tu exécuter à mon émission pour la dernière fois sur cette antenne? Quelle folie? Oui, folie. Prendre un avion au mois de septembre et venir se voir. Une folie. Mais c'est une folie pour moi, oui, tu t'en oui, oui, oui, oui, c'est une folie, mais c'est pas une folie auditive, radiophonique. Me recommander un autre verre de rosé. Ok, c'est très radiophonique. Et le siroter en onde? Pourquoi pas? Et je pourrais faire comme Brel dans la chanson chez ces gens-là. Oui. Où il fait... À un moment, il parle et il dit, il regardait son troupeau bouffer la soupe froide, ouais, et ça fait des grands. Ouais, mais là, parce qu'il mais il en est plus. Ok, ah, c'est ça que tu voudrais laisser. Saper. Ça serait saper. Saper. Saper. Ah, c'est, oui, je connaissais pas ce mot-là. Saper. Alors, ça, tu vois, j'ai appris du vocabulaire. Saper. Oui, on sape. J'ai beau écrire de la poésie, tu vois, il me manque du vocabulaire. Mais c'est pas québécois, c'est francophone. Mais je sais. On s'imagine, non. Tu vois, la folie, bah, c'est, voilà, c'est montrer aux gens, à tes auditeurs, que je n'ai pas de vocabulaire. Mais non, au contraire, il y a tellement de mots. Mais on est d'accord. Ouais. Je te dis que je dis beaucoup de conneries. Mais c'est bien, mais c'est gratos. Ça fait tellement plaisir. Quoi. C'est la dilatation de l'esprit. Exact. Ah, c'est la ventilation. Mais Chloé, merci d'être passée à mon émission. Mais merci beaucoup, moi, je suis... Et nous diffuserons ton album à avec travers grand plaisir. Les rencontres. Et je t'enverrai le lien direct de cette captation. Oui. Donc, une fois que tu l'as placé sur ton ordi, tu me le dis et je l'efface. Donc, c'est unique. Il n'y a personne qui va pouvoir enquêter là-dessus. Donc, c'est personnel, c'est perso. D'accord. Donc, voilà. Merci d'être passé à mon émission. Merci, et on se revoit à Québec. On sera, bah, bien sûr, on se revoit. Dans quelques semaines? Dans quelques semaines. Ok, d'accord. Mais des semaines, quelques fois, ça passe vite. Quelques semaines. Ça, bien. Voilà, okay. Exactement. Merci. Merci à toi. Salut, bye. Salut. Bye. Chantez vos guerres, vos victoires et vos défaites. Crachez sur la misère, l'oppression et les prophètes. Vous avez chanté la terre, l'internationale des poètes. Et vous avez cru voir la mer sous des pierres à facettes. Vous avez chanté vos combats et vos maîtres à penser. Cru pouvoir changer les débats et vous mettre à rêver. Vous avez chanté pour ceux d'en bas, les délaissés. Chanté Aragon, Neruda, je vous ai écouté. Moi, je voudrais reculer dans le temps, avoir 20 ans à vos côtés. Et juste pour oublier, vous avez dû être triste, et que moi je suis déjà désabusé. Vous avez chanté vos haines, l'injustice, la répression. La liberté comme emblème, vous avez crié l'action. Voulu rompre les chaînes, faire monter la pression. Pour la condition humaine, pour la section. Et vous avez chanté vos morts, et les vivants vous ont aimé. Vous avez chanté encore l'humanité. Vos idées ont voyagé et vos voix ont porté la marque de ceux qui se sont engagés. Moi, je voudrais reculer dans le temps, avoir 20 ans. côté. Juste pour oublier, vous avez dû être triste et que moi je suis déjà désabusée. Et vous avez chanté vos doutes et les années qui passent, les dos qui se voûtent et vos enfants en face. Et vos enfants en face. Aurez voulu vous crier que tout va bien maintenant, que la lutte a accouché d'un monde surprenant. J'aurais voulu vous crier que tout va bien maintenant, juste pour vous faire oublier que rien n'a changé. J'ai même pas trouvé quoi chanter pour vous faire vivre. Moi j'ai dû naître désenchantée quand vous, vous étiez déjà ivre. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.